Jésus-Christ dans le temple a renversé tous les fondements. Tous les fondements ont été ébranlés par la puissance de notre Dieu. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, le roi des rois, le sauveur de l'humanité. Alléluia. Elle engloutit tout sur son passage. Quand les fondements sont renversés, l'ennemi ne peut pas résister. C'est comme quand la terre se met à trembler. Elle engloutit tout sur son passage. Nous étions perdus dans la masse fondée sur des principes ancestraux. Et Jésus-Christ est venu tout accomplir. Nous étions perdus dans la masse fondée sur des principes ancestraux. Et Jésus-Christ est venu tout accomplir. Car il attendait la cité, celle qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Car il attendait la cité, celle qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mon ami est sans force. Nous ne sommes plus sous la loi de la chair, mais sous la loi de l'esprit. Car la loi de la chair, mon ami, est sans force. Il est venu briser nos liens, les condamnations de nos vies, venu nous libérer. Et il nous a libérés. Nous étions captifs du péché. Et unique fondement. Watch out! Je veux louer l'Éternel, le prince you de la paix, le narcisse de Saron et le lys des vallées. Il a porté mes péchés sur la croix, le châtiment qui donne la paix. Je veux louer l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il a changé mon existence, il m'a façonné à son image, il m'a taillé à son image. Je n'étais qu'argile, je n'étais que fragile, mais il m'a façonné avec ses mains. Il est le potier, il est le plus grand, il est le redoutable. I won't praise my father, I won't praise my king. The Holy Ghost, I won't worship him. He's worthy to be praised, worthy to be celebrated. Jesus is the way, he's the truth. He's my life, my comfort, my shelter, my redeemer. Jesus is my God, Jesus is my